Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, les diamants de Bokassa. Une affaire qui remonte au tout début des années 80. Une histoire qui marque le début de la fin du régime mégalomane de l'empereur centrafricain et qui coûtera sa réélection au président Giscard d'Estaing. C'est dans cette atmosphère de fin de règne que nous vous emmenons aujourd'hui. Fin de règne pour un président, mais pas pour ces mauvaises pratiques néocoloniales qu'on appelle France-Afrique. Ce principe selon lequel les chefs d'État africains ont à cœur de prendre en compte le point de vue de l'Élysée dans leur politique, sans quoi l'ex-puissance sait leur rappeler à coup d'opérations secrètes ou de commandos que le vrai pouvoir reste et demeure à Paris. L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui est un épisode caricatural de cette politique invasive, intrusive et unilatérale de la France en Afrique. C'est aussi l'histoire d'un homme, d'un président qui était arrivé si fringant à l'Élysée, si jeune, si moderne, mais qui avait conservé un goût très prononcé pour les chasses en Afrique. Ces chasses gardées pour lesquelles il n'a pas su raison garder, entretenant des relations politiquement inappropriées avec un potentat africain fou et sanguinaire, au point d'accepter les cadeaux les plus empoisonnés qui soient, des diamants, qu'il paiera au prix d'une défaite électorale, d'une blessure d'orgueil dont il mettra si longtemps à se remettre. Reste cette question, pourquoi le président attaqué a-t-il aussi mal géré cette affaire jusqu'à s'enfoncer lui-même ? Notre invité aujourd'hui, Alain Duhamel, journaliste politique, essayiste, il est l'un des trois journalistes à avoir interviewé le président Giscard d'Estaing lors de son entretien Vérité sur l'affaire en novembre 1979. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA. Coordination Christophe Barrère, réalisation Pierre Jabot, Coyenne Guyen et Jérôme Chélius. À la technique aujourd'hui, Patrick Henry. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Messieurs, bonsoir. Il n'y a plus d'empire centrafricain, il n'y a plus d'empereur, il n'y a plus de Bokassa Ier. Ce n'est pas moi qui l'ai installé, c'est moi qui l'ai fait partir. Veuillez remettre à Madame Dimitri, secrétaire à la présidence de la République, une plaquette de 30 carats environ, destinée à Monsieur Giscard d'Estaing. Selon le journal, ce bon prouverait que Jean-Bedel Bokassa aurait fait envoyer en 1973, alors qu'il était ministre des Finances, un cadeau à Valéry Giscard d'Estaing. J'ai demandé vendredi dernier, au nom du Parti Socialiste, que soit créée à l'Assemblée Nationale une commission d'enquête. Avec Bokassa encore, les Français vont détruire la France. Je vais vous dire d'abord pourquoi je n'ai pas répondu tout de suite. Au départ, une révélation du canard enchaîné, à l'arrivée, une défaite électorale annoncée. Car tout au long de cette affaire, on a vu la cote de Valéry Giscard d'Estaing s'effriter jusqu'au point de non-retour marqué par une date, le 10 mai 1981. Alors qu'il aurait pu lui-même tuer la polémique dans l'œuf, la stratégie du silence qu'il va adopter se révélera funeste. En fait, Valéry Giscard d'Estaing avait oublié que Bokassa, lui, n'avait pas oublié ce qu'il devait à son ex-ami dans son éviction du pouvoir en Centrafrique. Ça s'appelle une vengeance. C'est en 1966 que Jean-Bedel Bokassa arrive au pouvoir en Centrafrique par un coup d'État, mode opératoire assez répandu en Afrique ces années-là. Il renverse son propre cousin, David Bacco. À Paris, on laisse faire. L'essentiel, c'est que la France garde son influence sur cet État dont les sous-sols regorgent de diamants et surtout d'uranium. On joue donc à Miami, pas très regardant sur la nature du régime. D'ailleurs, le général de Gaulle reçoit Bokassa à Paris avec les honneurs, tout comme Bokassa reçoit en grande pompe les représentants français de passage à Bangui. Parmi eux, le ministre des Finances de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, qui ne manque pas une occasion de prendre le fusil pour aller taquiner le gibier, le gros de préférence. Jacques Foccart, le monsieur Afrique du gaullisme, avoue dans ses mémoires qu'à cette période, le despote africain arrosait ses hôtes de cadeaux, de diamants, à chaque voyage. Aussi, lorsque Valéry Giscard d'Estaing accède à l'Élysée en 1974, l'ami Bokassa bénéficie toujours d'une oreille attentive à Paris. Si bien que lorsqu'il décide de se faire sacrer empereur de Centrafrique, lors d'une cérémonie surréaliste en 1976, on lui envoie même le ministre français de la Coopération et on participe aux frais. C'est que rien n'est trop beau pour Bokassa, qui règne sur des tonnes d'uranium et sur un peuple qu'il considère comme sa chose, sur lequel il a le droit de vie et de mort, et face auquel, à la moindre protestation, il répond main sur le cœur, qu'il ne fait procéder à aucune violence sur les citoyens de son pays que dans sa mégalomanie pathologique, il qualifie d'empire. Le cas des oreilles coupées, il n'y a eu qu'un seul cas, parce qu'il s'agissait d'une bande de voleurs. Ils étaient 47. Ils étaient organisés, ils étaient armés, ils avaient dévalisé les Centrafricains de plein jour, les Centrafricains et les étrangers de plein jour. C'est pour cette raison qu'en une seule fois, j'ai donné cette leçon. Mais après, j'ai retiré les mesures. Ça n'existe plus maintenant. Ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus. Et ça ne se fera plus. Ça ne se fera plus du tout. C'est un engagement que l'empereur... C'est un engagement que j'ai pris et puis un engagement qui est écrit. Il y a une ordonnance qui le dit. Et pas seulement parce qu'il y a le couronnement dans quelques temps. Non, du tout, du tout, non. Je vous dis, cette affaire d'oreilles coupées s'est manifestée le jour où il y a eu des problèmes qui étaient posés. Et les bastonnades, c'est la même chose. Et c'était accompagné de... C'était un cas. C'est-à-dire, le même jour, il y a eu... Ces mêmes qui ont eu les oreilles coupées ont été d'abord bastonnés, ça c'est sûr, avant d'avoir les oreilles coupées. C'est clair, un fou est au pouvoir en plein centre du continent africain, réprimant dans le sang les manifestations qui s'opposent à lui, jusqu'à déranger ses voisins africains, qui ne sont pourtant pas des modèles de démocratie, mais bon, ils en appellent à la France. Ça tombe bien, dans le plus grand secret à Paris, on prépare depuis quelques semaines la chute de ce Bokassa Ier, devenu trop belliqueux et trop gênant sur la scène internationale. Nom code de l'opération, Caban. On aurait pu l'appeler Manu Militari. Et c'est ainsi que dans la nuit du 20 septembre 1979, un commando infiltré du service action du SDEC est rejoint par un régiment des forces spéciales, le premier RPIMA, les paras de l'armée. 6 heures plus tard, David Bacco, l'ancien chef de l'État, reprend le pouvoir. Bokassa est alors en visite chez Kadhafi en Libye et va se réfugier en Côte d'Ivoire. Notons que le SDEC en profitera aussi pour faire disparaître les archives nationales du palais de Bokassa. On ne sait jamais, elles pourraient abriter des secrets gênants pour la France. Il ne faut laisser aucune trace de l'ancien soutien à Bokassa, cela va de soi. L'opération Caban est suivie de l'opération Barracuda, où des hélicoptères Super Puma venus du Tchad foncent vers Bangui pour sécuriser le nouveau président David Dacko. Dans les médias, le ministre de la Coopération, Robert Gallet, justifie l'intervention militaire française. Compte tenu du fait que le président Dacko avait été en 1960 élu régulièrement président de la République centrafricaine au suffrage universel, qu'il avait exercé le pouvoir dans des conditions tout à fait convenables pendant 5 années, nous avions tout lieu de faire confiance à sa personnalité. Donc il vous a demandé d'envoyer des troupes, mais les craintes sont de quelle nature ? Ben, ces craintes, je pense, de son côté, c'est que la garde présidentielle et la police qui était à la disposition de Bokassa vont se débander et que par conséquent l'armée à elle seule ne soit pas susceptible d'assurer toutes les missions de maintien de l'ordre. Je pense personnellement qu'il y a eu suffisamment de massacres et de troubles à Bangui pour que nous essayions de faire tout ce qui est en notre possible pour qu'il n'y en ait pas d'autres. Hasard ou signe du destin, le journal Le Monde, daté du 21 septembre, publie une tribune d'Albert de Schonen, ambassadeur de France en Centrafrique de 1969 à 1971. Un article dans lequel l'ancien diplomate fait état de la pratique des cadeaux en vigueur à Bangui et dont bénéficient les visiteurs officiels. Pas de somme, ni de nom, juste une histoire de gros cailloux, d'or ou de diamants. Dès lors, le soupçon s'installe, prélude à l'orage qui se prépare. Le 10 octobre 1979, 3 semaines seulement après l'opération Caban, le Canard enchaîné titre en rouge et en une « Quand Giscard empochait les diamants de Bokassa ». Et c'est en page 3 que l'hebdomadaire publie le fac-similé d'un bon de commande adressé 6 ans plus tôt au comptoir national du diamant et signé de la main du général Jean Bedel Bokassa, sur lequel on peut lire « À l'attention du comptoir national du diamant ». Veuillez remettre à Madame Dimitri, secrétaire à la présidence de la République, une plaquette de 30 carats environ, destinée à Monsieur Giscard d'Estaing, ministre des Finances de la République française. Signé, Général Jean Bedel Bokassa, président de la République de Centrafrique. Et le Canard enchaîné donne la valeur de ces diamants, plus de 150 000 euros. Un cadeau qui représenterait aujourd'hui 1,5 million d'euros. Toujours selon Le Canard, décidément très bien informé, les diamants ont été remis en avril 1973, au moment où Valéry Giscard d'Estaing était ministre des Finances, donc régnant sur les douanes. Quelques lignes plus bas, le journaliste du Canard enchaîné ajoute que des diamants ont aussi été remis à deux cousins de Valéry Giscard d'Estaing ainsi qu'à l'un de ses proches conseillers. Le dossier s'épaissit. Fin de matinée, à l'issue du Conseil des ministres qui siège ce 10 octobre, le porte-parole de l'Élysée, Pierre Hunt, déclare que le Conseil n'a évoqué que des affaires sérieuses. Autrement dit, circuler, il n'y a rien à voir. Dans l'après-midi, l'agence France Presse publie une dépêche ainsi rédigée. En réponse à une question concernant la pratique des cadeaux diplomatiques, on indique à l'Élysée que les échanges de cadeaux de caractère traditionnel, notamment lors des visites de membres du gouvernement dans les États étrangers, n'ont en aucun cas ni le caractère ni la valeur qui ont été mentionnées par certains organes de presse à propos du Centrafrique. On n'en saura pas plus de la part du château. Valéry Giscard d'Estaing semble avoir choisi de répondre par le silence. Grave erreur. En fin d'après-midi, à la sortie de la séance des questions au gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, Jacques Chaban-Delmas, ne cache pas son scepticisme face aux accusations du Canard. J'ai de la calomnie une expérience consommée. S'il n'y avait eu que le Canard, ça n'aurait pas été grand-chose, croyez-moi. D'autant plus que je suis même pas sûr que le Canard y ait mis malice en ce qui me concernait. Alors vous comprendrez que je sois extraordinairement réservé sur ce que je lis dans ces mêmes journaux. Quant à vous dire que ce qui est écrit dans ces journaux sur le président de la République et le Premier ministre, c'est pour leur être agréable ou les aider, ça, je n'irai pas jusque-là. C'est une intention de nuire qui est à l'origine de ces publications. Ce que Jacques Chaban-Delmas ne sait pas, c'est que Jacques Fauvé prépare pour son journal Le Monde un éditorial dans lequel il évoque une sombre histoire qui met en cause le président de la République et sa famille, dont deux de ses cousins, accusés d'avoir profité des cadeaux de l'empereur de Centrafrique. Fauvé dénonce aussi le silence de l'Élysée. C'est un édito qui n'apporte pas d'éléments factuels supplémentaires, mais il est signé Fauvé. Alors, il donne de l'ampleur aux révélations du Canard. De l'ampleur et de la crédibilité. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Notre invité aujourd'hui, le journaliste politique Alain Duhamel. Le 17 octobre, le Canard enchaîné révèle avoir reçu de nouveaux documents provenant d'une source en Centrafrique. On y apprend que le président de la République a reçu d'autres cadeaux de la part de son ancien ami Bokassa, dont un diamant offert en 1970, ainsi qu'une plaquette de petits diamants de 20 carats en 1972. Dans l'opinion, de nombreuses voix s'élèvent alors pour que le président réponde enfin aux accusations si graves qui sont portées contre lui. À la sortie du Conseil des ministres, le porte-parole de l'Élysée, Pierre Hunt, lâche enfin quelques mots. Je peux vous dire que le président de la République fera justice de ce sujet le moment venu et dans des conditions qui répondent à la confiance que lui apportent les Français. Faire justice, le moment venu, répondre à la confiance des Français. Ce ne sont pas ces vagues réponses que les Français précisément attendent, ces non-réponses. Quelques jours plus tard, nous sommes le 24 octobre, rebondissement. Le ministre des Affaires étrangères de Centrafrique, Sylvestre Bangui, oui ça ne s'invente pas, dément et accuse le Canard enchaîné d'avoir publié un faux. Je voudrais vous dire tout de suite que je suis à la fois peiné, déçu et étonné de voir les proportions que prennent cette affaire de diamants en France. La Centrafrique, hier, avec le peuple centrafricain, a joué le jeu de Bokassa. Avec le peuple centrafricain, Bokassa a détruit la Centrafrique. Et je m'aperçois, hélas, qu'avec Bokassa encore, les Français vont détruire la France. Madame Dimitri, d'ailleurs, qui a servi d'intermédiaire, a dit qu'elle ne se rappelait plus très bien de ce document. Alors ce document, à mon avis, est un faux. Je l'ai regardé de très près. Je le répète ici, c'est un faux. Il est certainement antidaté. Madame Dimitri ne s'en rappelle plus. Très bien. Reposez-lui la question. Le ministre Bangui n'apporte bien entendu aucune preuve qui pourrait étayer ses dires. Si bien que dans l'opposition, on parle d'une déclaration téléguidée par l'Élysée qui, rappelons-le, a installé et sécurisé le nouveau gouvernement centrafricain. Serait-ce un moyen pour le ministre centrafricain de renvoyer l'ascenseur à l'Élysée ? À l'Assemblée, certains députés ne veulent pas en rester là. Ils demandent à ce que toute la lumière soit faite dans cette affaire, quitte à ce qu'une commission parlementaire se penche sur la question. La belle affaire, car nous sommes en pré-campagne électorale pour 1981. Alors l'opposition socialiste s'en donne à cœur joie, comme Georges Filliou, par exemple, député PS de la Drôme, futur ministre de la Communication de François Mitterrand. Messieurs et mesdames, je ne suis pas particulièrement fier du mot. D'ailleurs, tout le monde sait qu'il n'est pas de moi. Il me ferait plutôt honte, honte pour mon pays. Mais notre peuple le dit, je le dis donc aussi. Pourquoi n'en parlerait-on pas ici? Parce que depuis, vous l'avez interdit. Eh bien justement, parlons-en de ces diamants qui vous gênent tellement. C'est bien dans le sujet, puisqu'à ce sujet, vous avez tout fait pour que le sujet ne soit jamais traité par vos sujets. Cette bijouterie de Giscardi, ça vous ennuie, on l'a bien compris, mais aujourd'hui, l'objet du débat, n'est-ce pas l'information? Il nous faut donc, monsieur le ministre, obtenir de vous explication. On va vous en demander, vous ne pouvez pas les refuser. Rien n'est clair dans cette affaire, si ce n'est que vous vous êtes arrangé pour l'étouffer et que, au fond, vous y êtes assez bien parvenu. Ou alors, si ce n'est pas le cas, il faudra nous le dire. Diamant des sautoirs, préférons le charbon bien noir, tirons des traits sur la pâleur. Oh, vilain rouge des rubis, préférons de très loin celui. Quand les souvenirs se mélangent, l'amour pur. Au château, comme on surnomme l'Élysée, le comportement est le même depuis le début de l'affaire. On ne s'abaisse pas à la polémique, on prend tout cela par le mépris. Pourtant, en coulisses et sous les lambris de la République, c'est le branle-bas de combat. Valéry Giscard d'Estaing rassemble ses plus proches conseillers, car enfin, il arrive un moment où il faut bien trouver une réponse. On propose alors au président de publier un communiqué pour qu'il démente. Hors de question, Valéry Giscard d'Estaing refuse, et puis, de toute façon, ça passera. Effectivement, les semaines passent, mais avec leur cortège de révélations qui agissent comme un poison, goutte après goutte. Il faudra attendre presque un mois et demi après les révélations Licanard pour qu'enfin, le 27 novembre, le président Valéry Giscard d'Estaing décide de se justifier face à trois journalistes. Le ton est ferme, mais les réponses aux questions, pour le moins, évasives. Comme chef de l'État, je donne et je reçois des cadeaux officiels. La seule vraie question, c'est celle que vous m'avez posée, c'est qu'est-ce que j'en fais? Je ne demande de cadeaux à personne. Ces cadeaux, ils sont, sans que je m'en occupe, je peux vous le dire, apportés à l'Élysée, ils y sont conservés, et ils n'en sortent que pour deux usages, soit qu'ils soient attribués à des œuvres de bienfaisance, soit lorsqu'ils ont un intérêt à cet égard, ils sont remis à des musées. Et depuis que j'exerce ma fonction, de nombreux cadeaux ont été remis à des œuvres de bienfaisance, de nombreux cadeaux ont été remis à des musées, et tous les autres ont été conservés à l'Élysée, où ils sont conservés par le secrétariat général et sous sa responsabilité. Donc votre silence, et on en termine avec cette question, votre silence, absolument, c'était ni de l'embarras, ni de l'indifférence, non, ni du mépris. Ouais, c'était quelque chose qui tenait aussi, permettez-moi de vous le dire, à mon caractère et à l'idée que j'ai de ma fonction, et qui est qu'il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison. Pendant que le président de la République se prend les pieds dans le tapis sur le terrain médiatique, donc politique, la DST enquête avec ce sentiment selon lequel derrière toute cette affaire des diamants se cache une opération de déstabilisation menée par Jean Bedel Bokassa lui-même. Le tyran réfugié à Abidjan, le dictateur fou que la France a pourtant soutenu pendant un temps. Et c'est ainsi que le 10 mai 1980, la DST arrête un certain Roger Delpé, ancien conseiller de Bokassa, issu des milieux nationalistes d'extrême droite. À son domicile, lors de la perquisition, une série de documents vierges avec la signature de Bokassa sont retrouvés. On accuse alors cet homme d'être à l'origine de la propagation des documents dans le Canard enchaîné. L'affaire s'achèvera vers un non-lieu un an plus tard. Et de son côté, le Canard enchaîné dément vigoureusement « Non, Roger Delpé n'était pas son informateur ». Sur le terrain politique, le leader de l'opposition, François Mitterrand, cogne. Il est dans son rôle. Je dis et je répète que pour des socialistes, il n'y a pas de raison d'État. Et que tout homme public, y compris bien entendu le plus important d'entre eux, doit être en mesure à tout moment d'expliquer et de s'expliquer. Sans que l'on préjuge en quoi que ce soit approbation ou condamnation. Il n'y a pas de raison d'État. Il y a le déplorable processus de la politique franco-centrafricaine, la triste compromission de la France dans la dictature de Bokassa, il y a l'étrange et maladroite intervention de la France dans les affaires intérieures du Centrafrique au cours de ces dernières semaines, et il y a par voie de conséquence une situation particulière du président de la République et des gouvernants français qui se sont laissés entraîner, plus qu'ils ne convenaient, dans des relations de caractère personnel qui se trouvent à l'origine de la question que vous me posez. Le 17 décembre 1980, Jean Bedel Bokassa confirme dans un entretien téléphonique avec la rédaction du Canard enchaîné les révélations faites par ce journal depuis un an. Le Monde du 26 décembre publie sous le titre « Bokassa et la France » un éditorial signé de Jacques Fauvet où l'on peut lire. Extrait du journal Le Monde daté du 26 décembre 1980. L'affaire des diamants, puisqu'il faut y revenir, même si elle n'a pas été évoquée au procès, se situe à plusieurs niveaux. Le moins important est celui des cadeaux, traditionnels en Afrique. Qu'ils soient conservés, vendus ou restitués, importe peu, ils ne sont qu'un signe, celui d'une certaine politique fondée sur des relations personnelles. Le second niveau est précisément celui d'un type de relation avec un pays dont nul n'ignorait la situation, avec un homme dont, s'ils faisaient leur métier, les ambassadeurs n'ignoraient ni les mœurs, ni les crimes, ni la générosité. Le dernier niveau est la manière dont, depuis plus d'un an, on a voulu effacer les traces de ces relations et de cette politique. Du déménagement précipité du palais de Berengo à l'affaire des scellés de Delpey, les maladresses se sont multipliées au point que la presse anglo-saxonne ne parle plus que d'un possible Watergate. S'il y en a un, il est là et pas ailleurs. Qu'a-t-on gagné à ce jour à travestir ou à taire la réalité ? Signé Jacques Fauvet. On sait aujourd'hui que c'est un ancien conseiller de Bokassa, Maurice Espinasse, qui a remis par l'intermédiaire de Pierre Péan la fameuse note des diamants au canard enchaîné. Si ce document est vrai, et il l'est, les suivants que publieront le canard seront des faux, des produits fabriqués par l'autre conseiller de Bokassa et poursuivis, comme on l'a vu, par la DST, Roger Delpey. Tout cela ressemble fort à la réponse du berger à la bergère. Autrement dit, la vengeance du tyran contre la France qui, après l'avoir installé au pouvoir, l'en a délogé avec tout autant de conviction. En 1980, les diamants reçus par le président de la République seront photographiés et expertisés. Leur montant sera finalement estimé à 150 000 euros, soit 10 fois moins que les chiffres avancés dans les articles du canard enchaîné. Toujours est-il que l'attitude silencieuse et distanciée du président face aux accusations de plus en plus insistantes des médias et de l'opposition a été perçue comme de l'arrogance et parfois même comme un aveu de culpabilité. Une monumentale erreur de communication et de stratégie en la matière qui n'explique pas pourtant à elle seule la défaite de Valéry Giscard d'Estaing, non. Ce sont le chômage, l'inflation et enfin un désir de gauche en France qui ont été les ingrédients principaux de la victoire de François Mitterrand, mais ce poison des diamants a produit ses effets dévastateurs. Les choix politiques, on le sait, passent aussi par la case justice, la case affaires, affaires sensibles. Au revoir. Bonjour. Bonjour Alain Duhamel. Bonjour. Journaliste essayiste, on ne présente plus Alain Duhamel, l'une des figures les plus connues du journalisme politique en France. Vous vous exprimez toujours sur les ondes de notre concurrente RTL, donc merci d'être avec nous sur France Inter pour cette page d'histoire. J'ai terminé ce récit sur la question de savoir quel a été le poids de cette affaire des diamants dans la défaite de Valéry Giscard d'Estaing en 1981. Et je disais que d'autres phénomènes expliquaient le chômage, l'inflation à l'époque, étaient les grandes calamités économiques. Donc je vous la pose cette question, quel a été le poids de cette affaire dans sa défaite ? Ben je dirais que l'affaire des diamants, comme l'affaire complètement ridicule du sac à main à Venise d'Anémone Giscard d'Estaing, c'est au fond la touche personnelle qui s'ajoute aux motifs et aux ressorts économiques et sociaux. C'est évident que Valéry Giscard d'Estaing a eu à essuyer les deux crises pétrolières. C'est aussi brutal qu'ont pu être les deux crises que Nicolas Sarkozy a dû essuyer lui aussi, la crise financière puis la crise monétaire. Et donc les objectifs du septennat de Valéry Giscard d'Estaing en matière économique et sociale n'ont pas été atteints. Et donc c'est évidemment ça, le ressort de l'impopularité, impopularité d'ailleurs tardive et partielle, parce que son impopularité, ses successeurs auraient rêvé de l'avoir comme popularité. Mais enfin, c'est comme ça. Bon, manifestement, inflation, chômage, c'est l'essentiel des raisons pour lesquelles on a voté contre lui. Mais il y a une touche personnelle, et la touche personnelle, en ce qui le concerne, c'est l'affaire des diamants, qui est totalement disproportionné à mes yeux, mais il n'empêche que ça, peu importe, que ça soit rationnellement disproportionné. Mais ça a été psychologiquement essentiel dans la mesure où c'était cette espèce d'animosité individuelle. Giscard a été un président populaire. Il a été un président populaire jusqu'au bout. Il a été un président populaire, en gros, jusqu'à la fin de l'année 80, c'est-à-dire très très tard, et à des niveaux dont ses successeurs auraient réellement rêvé. Bon, il se trouve que à partir du moment où il a été proche de la campagne, et puis il faut dire que François Mitterrand a mené une très bonne campagne, très intelligente, assez cynique, mais exceptionnellement professionnelle, à ce moment-là, on a vu brusquement la popularité de Valéry Giscard d'Estaing, qui était si haut, décliner rapidement. Mais le petit déclic, la touche individuelle, ça a été l'affaire des diamants. Alors, il y avait quand même une sorte de désamour. On parlait du président aristocrate qui devenait de plus en plus loin des Français. Lui disait, lui-même d'ailleurs, il disait « je me suis vu enlaidir ». Et il avait de sa propre image une image compliquée, mais même de lui-même. Il y avait quand même un désamour. Alors, ce qu'il faut dire, pour bien comprendre les choses, je pense, parce que tout ça nous paraît aujourd'hui très loin, et tellement différent de ses successeurs surtout, mais c'est que Giscard, en 74, a donné une image de jeunesse après les années de Gaulle et les années Pompidou. De Gaulle à cause de sa stature historique et de son âge, Pompidou à cause de sa maladie. Il a donné une image de jeunesse et au sens propre de séduction, oui, qui après n'a plus existé. Entre François Mitterrand et lui, il y avait deux hommes de stature, de haute stature politique bien sûr, et il y avait des programmes totalement à l'opposé l'un de l'autre, mais il y avait au départ une séduction Giscard. Et puis c'est vrai que cette séduction, ben, comme toujours, elle s'est érodée devant le pouvoir, devant les difficultés, devant les échecs qu'il y a eu, et certaines des choses qui, au fond, avaient flatté les Français. Les Français étaient assez fiers, en 74, de Giscard. Ils se disaient, non seulement il est brillant, ce que tout le monde reconnaissait, mais il a de l'allure. Il joue au football. Voilà, puis il est à la fois moderne et monarchique. Mm. Bon, alors ça plaisait aux Français. Et puis, quand les choses ont mal tourné, ça s'est inversé. Et ce qui le rendait populaire au départ est devenu ce qui l'a rendu moins populaire après. Au départ, on disait, il a de la classe, quand même, il représente bien la France à l'étranger. Et à la fin, on disait, c'est un aristocrate, il est loin du peuple, il ne nous comprend pas, on ne vit pas dans le même monde. Et c'était d'ailleurs en partie vrai, inévitablement. Et lui-même, comme vous le disiez, a ressenti cet enfermement progressif qui devient une distance progressive avec ceux qui l'ont élu et a fortiori avec ceux qui ont voté contre lui. Alors, à l'époque de cette affaire des diamants, vous vous êtes dit, vous, ça va lui porter un grand préjudice, ou vous avez été étonné de la suite prise par les événements? Non, je peux pas dire que j'ai été étonné, parce que c'était très inhabituel à l'époque qu'il y ait une campagne personnelle contre un président en exercice touchant à ce qu'on appelle maintenant les affaires. Mmh. Je veux dire, c'était inimaginable sous le général de Gaulle, et ça ne s'est évidemment pas produit sous Georges Pompidou dans ce sens-là. Bon, il y a eu, avant qu'il soit président, l'affaire Markovitch, mais il était la victime. Bien sûr. Donc, c'était quelque chose de nouveau. Et donc, quelque chose de nouveau pour des journalistes, forcément, ça intrigue et ça occupe. La polémique à l'époque a été de savoir si c'était fondé ou pas fondé, si c'était important ou véniel. Mmh. Bon. Moi, j'ai pensé que c'était plutôt véniel qu'important, mais en même temps, je me suis très vite rendu compte que ça lui portait un très grave préjudice réel. Alors, Valéry Giscard d'Estaing ne veut pas répondre à cette polémique. Ça, c'est quand même une grave erreur de communication au départ. Mais pourquoi il réagit comme ça, cet homme si intelligent? Par orgueil. Parce qu'il ne supportait pas l'idée d'être mis en cause à propos de sa probité personnelle. Bon, et c'est vrai que Bokassa, moi je l'ai rencontré puisque je l'ai même interviewé avec, je l'ai interviewé avec Jean-Pierre Elkabbach à Bangui et il nous a sorti un pot de confiture dans lequel il y avait des diamants bruts et c'est très laid, hein, les diamants bruts. Ça m'a énormément déçu. J'avais l'impression que c'était des bonbons datant du siècle d'avant. Des bonbons rassis. Et il sortait ça d'un pot de confiture grand-mère. Vous savez, avec rouge et blanc. Rouge et blanc, oui. Et alors moi, je lui avais demandé, mais qu'est-ce que vous en faites? Et il dit, mais moi, j'en donne à mes hôtes. D'un air de dire, quand même, je suis bien élevé, je donne des diamants. Comme nous, on peut apporter des fleurs. Enfin, il était un peu braque, il faut bien dire ce qui est. Alors, en ce qui concerne Valéry Giscard d'Estaing, l'idée que son honneur personnel, que sa probité puisse être mise en cause, ça le révulsait. Et donc, il ne voulait pas en parler. Et ce qui était frappant quand même, et qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a eu peu de temps avant notre interview, peu de temps avant, il y a eu une conférence de presse, donc avec 300 journalistes, et que la question ne lui a pas été posée. On n'a pas osé lui poser la question. Alors qu'il y avait des journalistes, il y avait de l'Humanité, du Canard Enchaîné, enfin de tous les organes de presse, qui est d'ailleurs normal, et ça n'a pas été posé. Et alors, quand il y a eu l'émission qui n'était pas faite pour les diamants, mais c'était une émission régulière. Alors, votre interview, régulière. Pardon que je vous coupe, c'était le 27 novembre 79, on en a entendu un extrait dans la partie récit, et j'en reviens à ma question. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, d'abord, l'interview n'était pas du tout faite pour ça. C'était une émission, avec d'ailleurs des interlocuteurs qui changeaient à chaque fois, c'était une émission qui avait lieu, je sais pas, une fois par an, une fois tous les 6 mois, et où on interrogeait le président sur sa politique. Bon, et avant cette émission, j'ai reçu 1, 2, 3 émissaires de l'Élysée me disant « Vous n'allez pas partir des diamants, hein, quand même ». Et je leur ai répondu rien, puisque ma règle était que je ne disais pas aux collaborateurs les questions que j'allais poser, évidemment, à l'invité. Et heureusement, il y avait auprès de Valéry Giscard d'Estaing un chargé de presse que je connaissais bien, qui était le porte-parole de l'Élysée, Pierre Hinte, qui lui était plus intelligent que ça et plus ouvert, et qui comprenait bien qu'il était inimaginable qu'on fasse l'émission sans qu'on en parle. Et donc, je suppose qu'il a mis en garde ou averti Valéry Giscard d'Estaing que nous connaissant, on lui poserait la question. Et donc, il y a eu une discussion entre journalistes, pas du tout sur est-ce qu'on va poser la question, mais sur qui va la poser, parce qu'évidemment, celui qui allait la poser aurait le beau rôle. Bon, et alors on a tiré au sort, notamment entre Jean-Pierre Elkabbach et moi, on voulait poser tous les deux, et c'est moi qui ai gagné, donc c'est moi qui ai posé la question. Et donc, le jour de l'émission, on a laissé se passer une bonne partie de l'émission. Ouais. Et pour que tout le monde soit bien chaud, etc. Et puis je lui ai posé la question à laquelle il a répondu, comme on le sait, qu'il s'abaissait pas à répondre, etc., etc. Enfin, il a répondu par le mépris, pour dire les donc choses. Donc il a continué. Mais il absolument, s'est enferré dans cette stratégie perdante. Du refus de donner des explications qu'il considérait comme une atteinte à son honneur et au-dessous de sa fonction. Voilà, c'était d'un autre âge, évidemment. Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, qui avait au fond beaucoup modernisé la communication présidentielle par rapport à ses prédécesseurs, ce jour-là, à cette occasion-là, au contraire, il s'est montré totalement archaïque. Il fait une faute de com' énorme. Énorme. Et alors, ce qui est assez curieux, mais enfin dont j'ai gardé un souvenir précis, bon, moi, je passais pour ayant plutôt de la sympathie pour lui, mais posant les questions qu'on devait poser. En tout cas, c'est ce qui s'écrivait dans la presse. Et comme quelqu'un d'à peu près bien élevé, en tout cas, il paraît que c'était l'image que j'avais. Après l'émission, j'ai reçu 700 lettres À l'époque, on écrivait à la main, etc. J'ai reçu 700 lettres. Sans exagérer, il y en avait 95% qui étaient sur le thème « Comment quelqu'un comme vous pose des questions comme ça à quelqu'un comme lui ?» C'est-à-dire que ceux qui m'écrivaient m'en voulaient d'avoir posé la question. J'avais répondu, je suis journaliste. Voilà. Je n'aurais pas répondu à 700 lettres, autant vous le dire. Mais c'était étonnant parce que c'est là où on voyait quand même la différence. Au fond, les Français, dans leur majorité, étaient aussi archaïques en matière de communication que Valéry Giscard d'Estaing. Mais le paradoxe, c'est que Valéry Giscard d'Estaing avait voulu être un modernisateur et que là, il se comportait comme un conservateur. Bien, Alain Duhamel, en 1980, puisqu'on parle de cette année-là, on écoutait, entre autres, c'est le principe de l'émission, de rappeler ce qu'on écoutait à ce moment-là, Steely Dan, A 19. Alain Duhamel, quel souvenir vous gardez de cette période-là? Parce que, on le disait tout à l'heure, les mœurs politiques n'étaient pas les mêmes, les mœurs journalistiques n'étaient pas les mêmes. Qu'est-ce que ça vous laisse comme souvenir? Au fond, il y a eu vraiment trois phases, pendant le septennat de Giscard, du point de vue de la communication de rapport avec le journaliste. La première phase, ça a été une phase de séduction. La deuxième phase, c'était une phase de combat dans la mesure où la rupture Chirac-Giscard a entraîné une espèce de, d'instrumentalisation et d'hystérisation des journalistes. De deux côtés, Giscard et Chirac, ils cherchaient absolument à enrôler les journalistes dans leur camp. À partir de 76. Hein. C'est ça, exactement. De 76 à 79. Oui. Hein, séduction 74-76. Bataille avec tentative d'enrégimentement général de 76 à 79. Et là, c'était vraiment pénible. C'est même peut-être mes souvenirs journalistes le moment où j'ai trouvé les choses les plus pénibles parce que des deux côtés, Chirac disait en gros, qui n'est pas avec moi est contre moi. Si vous êtes avec moi, je veux être la gentillesse même. Si vous voulez un appartement à Paris, ne vous gênez pas, etc. Enfin bon. Et Giscard, c'était plus subtil, mais ça revenait au même. C'était, je ne vois que les gens qui s'intéressent vraiment et qui comprennent ce qu'on peut essayer de faire. Enfin, voilà, bon, c'était déplaisant. Et à partir, en revanche, de 79 à 80, là, c'était tout à fait autre chose. On est entré, le combat droite-droite s'est non pas effacé, mais est passé au second plan, et ça a été le combat gauche-droite qui est revenu. Et alors là, on est entré, au fond, dans du classique et dans du normal, avec François Mitterrand contre Valéry Giscard d'Estaing et avec les émissions, les interviews et les articles qui traitaient ça. Et là, je veux dire, on est retombé sur nos pieds. Quel est l'héritage du giscardisme, de ces 7 ans de septennat de Valéry Giscard d'Estaing? Alors, bien sûr, il y a la loi pour l'avortement, l'abaissement de la majorité à 18 ans, des grandes réformes sociétales modernes. Le divorce par consentement mutuel. C'est vrai. Aujourd'hui, ça paraît une évidence. Oui. Hein, à l'époque, ça a été un sujet de controverse absolument terrible. Non, moi je dirais, d'abord, j'ai toujours pensé, j'ai d'ailleurs écrit assez souvent, que le septennat de Valéry Giscard d'Estaing serait historiquement revalorisé. Que c'est quelqu'un qu'on a trop aimé au départ et qu'on a trop déprisé ensuite. Et ce qu'il a fait pendant son septennat, bah, je dirais modernisation des mœurs. Et sa modernisation des mœurs, c'est important en soi, évidemment. Puisque au fond, Valéry Giscard d'Estaing a fait entrer dans la loi ce que mai 68 avait introduit au plan culturel. Bon, donc c'était intéressant. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que celui qui modernisait la loi était en fait un modéré, un conservateur. Parce que la gauche modernise en matière de mœurs, on le voit d'ailleurs en ce moment, après tout, c'est sa vocation. Oui, bien sûr. Mais que quelqu'un comme Valéry Giscard d'Estaing l'ait fait, c'était à mes yeux de l'intelligence. Bon, donc, ça c'est positif. D'autre part, en matière européenne, son rôle avec Helmut Schmidt, qui était non seulement son ami, mais même son complice, a été absolument considérable. C'est quand même eux, enfin c'est Valéry Giscard d'Estaing d'abord, qui a créé le G5 et le G6. Mmh. Enfin, qui était une façon, en réalité, de donner à la France un rôle qu'au fond, son influence matérielle ne justifiait plus. Donc ça a été un beau coup politique. Bien sûr. Hein, c'était... Non seulement on s'installait à la table des grands, mais c'est nous qui étions les autres, c'est nous qui l'imaginions. Bon, et ensuite, l'Europe avec le système monétaire européen, oui, qui quand même a sauvé les monnaies à l'époque, hein, où déjà elles étaient extrêmement attaquées, il faut dire que... Tout avait été déséquilibré par Nixon et la fin de la parité hors dollar en 71. Donc, on le payait à ce moment-là. Bon, et donc il y a fait face. Et puis l'élection du Parlement européen au suffrage universel direct, qui aujourd'hui paraît quand même une évidence. C'est son idée. C'est son idée. Et c'est ce que Chirac n'acceptait pas. Et c'est ce que les gaullistes n'acceptaient pas en disant, mais s'il y a un vote direct du suffrage universel pour le Parlement européen, où est la souveraineté française? Le parti d'étrangers. Bon, voilà, exactement. Oui. Bon, donc là, ça a été très positif. En ce qui concerne le social, il a fait des choses importantes, notamment, ça on a oublié tout ça évidemment, dans une forte revalorisation des retraites vieillesse des femmes qui n'avaient pas cotisé, qui étaient très nombreuses en France à cette époque-là. Bon, sur le plan économique, il faut dire les choses, les circonstances ont fait, et peut-être des erreurs de politique économique aussi, hein, ça n'est pas exclu, mais le fait est qu'il y a eu un échec en ce qui concerne le chômage et l'emploi, et qu'il y a eu un échec en ce qui concerne la croissance, et qu'il y a eu un échec en ce qui concerne l'inflation, qui à l'époque atteignait des niveaux inouïs. Bon, en revanche, avec Raymond Barre, il y a eu une politique budgétaire qui aujourd'hui nous ferait rêver, puisque Raymond Barre est arrivé à mener une politique budgétaire au moins égale à celle que Schröder et Merkel ont réussi en Allemagne. Non. Et le bon élève, c'était nous, à ce moment-là. Avec le meilleur économiste de France, comme disait Giscard à propos de Barre. Voilà, bon, alors pour le reste, à la fin, comme on le disait, il y a eu aussi la dimension personnelle où, au fond, Il irritait les gens par son style, après les avoir séduits par son allure. Parce que peut-être qu'il les avait beaucoup séduits, il les a forcément beaucoup irrités. Voilà. On va écouter cette déclaration, on va revenir juste une minute sur l'affaire des diamants. Déclaration face caméra de l'ancien empereur de Centrafrique, le fameux Jean-Bedel Bokassa. Alors là, nous sommes en 91, il parle de la relation privilégiée qu'il avait avec le président Valéry Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing n'a jamais payé un sou, pas un franc. Il n'a jamais, jamais, jamais payé rien. Ils sont très, très, très, très radins. Ils sont très radins. Ce sont des gens qui vivent. Vous ne verrez pas la famille Giscard sortir un franc devant vous. Hein. Et ça, je peux vous le jurer. Parce que quand même, depuis 1967 à 1979, j'ai eu largement le temps de les connaître. Je vous dis, Giscard venait partager les chambres avec moi. Je lui donnais une chambre, moi j'avais une autre, et on se partageait la salle de bain. Jusqu'à ce point-là, quand même. Voilà, quand on pense que ce monsieur était régné sur un pays. Dites-moi, Alain Duhamel, vous venez de sortir un livre qui s'appelle « Une histoire personnelle de la Ve République », c'est chez Plon. Alors, on imagine, là encore, les relations que vous avez pu avoir avec les hommes politiques, vous les avez bien connus, vous continuez de bien les connaître, même s'il y a une frontière entre le journalisme et la relation personnelle. Cette histoire, pourquoi est-elle personnelle, cette histoire de la Ve République ? Elle est personnelle parce que j'assume totalement une part de subjectivité, c'est-à-dire je ne dis pas je vais être impartial, je ne dis pas je vais être l'horloge du temps ou le trébuchet de la balance. Ouais. Je dis voilà comment moi j'ai vu les choses. Et elle est personnelle aussi parce que, à côté de l'analyse historique, qui après tout est théoriquement mon métier, j'y ajoute évidemment l'empreinte de ce que moi j'ai vécu avec chacun des acteurs. Et il se trouve que de l'extrême gauche à l'extrême droite, je les ai tous connus, quelquefois appréciés, quelquefois pas appréciés du tout. Et que quand je les ai pas appréciés, j'explique pourquoi. Et que quand je les ai appréciés, je dis pourquoi, quelles que soient leurs orientations politiques. Valéry Giscard d'Estaing fait partie de ce que vous avez apprécié. Aucun doute. Quand je vous entends en parler, il y a une vraie passion pour lui. Il vous intéresse. Pas une vraie passion pour lui. Je dirais d'abord, c'est quelqu'un qui avait vraiment à la fois un statut, une vision, une stature qui, pour un président de la Ve République, est quelque chose, à mes yeux, d'absolument essentiel. Et d'autre part, et alors là, je l'écris très clairement, de 1974 à 1976, pendant la période de modernisation de la société et de tentative de relance économique, puisqu'à l'époque, ça a bien marché pendant quelques mois quand même, j'ai eu un coup de cœur pour lui. J'ai eu un coup de cœur pour lui, d'autant plus que j'aimais beaucoup François Mitterrand, qu'il venait de battre, et que mes préférences allaient plutôt de ce côté-là. Mais j'ai été agréablement surpris par ce que faisait le jeune président Valéry Giscard d'Estaing. Ensuite, disons que les choses, je dirais pas ma passion est retombée, parce que par exemple sur le plan européen, je lui donnais tout à fait raison. Mais enfin, voilà, c'était un coup de cœur, c'est un coup de cœur. Ça arrive, ça surgit, ça vous submerge quelquefois. Alors enfin, moi, je peux pas dire que j'étais submergé. Enfin, j'ai été touché. Et puis ça se retire. Très bien. Merci beaucoup Alain Duhamel de nous avoir confié vos souvenirs et de nous avoir apporté surtout vos éclairages. Au revoir, à bientôt. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui Giscard et les diamants de Bokassa. Merci aux documentalistes de Radio France et à Thierry Dupin pour la programmation musicale. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.